Monsieur Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. « Je le retrouverai, mort ou vivant, » dit-il simplement à Mrs. Aouda. Mais un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot de New York. Son pari était irrévocablement perdu. Au retour de Fogg, accompagné de Passepartout, il neige. Et Fogg n'a d'autre solution que de louer des places dans un traîneau à voile jusqu'à Chicago. Mais, quand il arrive à New York, le China, à destination de Liverpool, était parti depuis 45 minutes.